rap de référence. Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap Soprano. C'est parti pour le Planète Rap Soprano. Je sais que c'est une semaine que vous attendez, en plus une semaine particulière. Nous sommes en live dans une salle de concert. Ça va bien tout le monde? Ça fait plaisir de vous voir. Franchement, si d'ailleurs si vous voulez voir un petit peu l'ambiance de l'émission, allez cliquer, ceux qui ne peuvent pas être avec nous, sur le Skyrock FM, sur l'appli Skyrock. Alors vous êtes là évidemment pour celui qui s'apprête à sortir son 4e album solo. Vous le connaissez, vous l'attendez? C'est tout? Vous l'attendez juste comme ça? Le mieux pour accueillir Soprano, d'ailleurs c'est lui qui va vous accueillir ici avec le premier live de l'émission. Là je vais voir tout le monde debout, tout le monde en transe. DJ Mage est au platine, voici pour débuter en live Soprano avec Cosmo. Paris, tout le monde les mains en l'air. Ah, il faut faire regretter les personnes qui sont pas là. Alors tout le monde, faites un maximum de bruit pour mon pote Soprano. Est-ce que ça va ou pas? Tout le monde, on y va, avec moi, on y va. On y va. Où sont les filles, les femmes, au tempérament de guerrières? Oui, qui savent comment faire la fête, qu'elles soient mères ou célibataires. Où sont les hommes, les gangsters, les pauvres ou les millionnaires? Les bobos, les maîtres, pu mettre les intellos, les maîtres sur le. Où sont les quartiers, les blocs, les HLM, mis de côté les résidences, les quartiers huppés, les 205, les hauts JTT. Variété, reggae, rock'n'roll, coupé, décalé, zouk, dancehall. Ce soir c'est pop, c'est fou, c'est Messi et Ronaldo. LeBron James, c'est Otomoto, c'est Sangoku et les Naruto. Ce soir c'est Kalash, manger. Ce soir c'est Maria Menis. Les hommes, les crêtes, les cheveux tissés, les bleus, les brunes, les cheveux tissés. Ce soir c'est love and peace, unique grâce à la musique. Loin des amalgames politiques, mais est-ce que vous êtes toujours là? Ce soir est un jour de paix. Les bras levés, il dit on va très haut. Eh, hey, hey, fais-moi rêver, tous mélangés, il dit on est trop haut. On y va. Hey, fais-moi rêver, les bras levés, il dit on va très haut. Eh, hey, hey, fais-moi rêver, tous mélangés, il dit on est trop haut. C'est la cosmopholie, j'ai envie de dire. Ça va, Sopra? Et vous, ça va aussi? Bienvenue pour ce Planète Rap exceptionnel. Ça fait plaisir, Sopra, faut quand même que t'expliques, parce que c'est toi qui as voulu réunir plein de monde dans une salle de concert. Hein. Tu m'as dit, pour le Planète Rap, je veux un truc différent. Ouais, en fait, ça fait longtemps qu'on fait des Planète Rap. Ça fait maintenant bien, depuis Bloc Party, ça fait... bientôt 10 ans, hein. Eh, pas loin, pas loin, ça va vite. Voilà, et on s'est dit. J'irais même plus loin si on se rappelle de l'époque Sadil aussi. Ouais, Sadil Impact et tout, la psychiatra de la rivière, pour les anciens. Et c'est vrai que je me suis dit, il faut essayer de faire quelque chose de différent. En plus, le public, il aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup la scène. Il y a plein de gens qui n'ont pas la chance de venir en concert nous voir. Mmh. Je me suis dit de le faire en live ici. C'est une bonne idée. Et tout le monde peut participer, écouter aussi l'émission sur voilà. Skyrock FM, aller mater les images. Sur yes. L'appli Skyrock, vous allez pouvoir découvrir cet album. Donc, l'album, ça y est, je l'ai entre les mains. Vous avez vu, il est beau, hein. Et en plus, j'ai l'édition. Hey, même moi, je l'ai pas. Collector. Même moi, je l'ai pas. Et il y a peut-être des têtes d'ailleurs qui sont ici qui ont envoyé parce que t'as fait un petit concours d'ailleurs pour l'édition Collector. Ouais, on a fait un truc qui s'appelait la Cosmosaïque en fait. Regardez la Cosmosaïque. Il y en a qui se reconnaissent ou pas dans la Cosmosaïque? Ah, il y a des gens qui sont dedans. Ah, regarde-moi ça. Ah. C'est beau comme tout la Cosmosaïque. Ouais, on avait fait un jeu pour essayer de mettre. Pour expliquer encore un peu plus le concept de l'album. On a dit à tout le monde de faire un petit selfie et de nous envoyer les selfies. On allait faire un petit poster avec. Et voilà, ça a donné ce petit truc. Et je crois qu'il y a beaucoup de têtes qui sont là, qui sont dessus. Ah, donc voilà, ah. Je vois des dédicaces. Voilà, je vois des têtes. Il y a des gens, ils sont là depuis longtemps. Ils me suivent, ils sont toujours là. Ça fait plaisir. Tiens, on va voir s'ils te suivent bien. Parce que nous, on a préparé un petit medley. On a retracé ta carrière via quelques morceaux cultes de Sopra. Ouais. Donc je suis sûr qu'il y en a plein qui vont se lever, qui vont être déchaînés ici. Vous aussi, hein, si vous écoutez dans les voitures un peu partout. Sopra en carrière et en medley, ça donne ça. Mets le son en fond, la famille. C'est Soprano dans Planète Rap. Planète Rap. Et toute la semaine de retour sur Sky. Fraîche en jean ou en pince. Mets-toi bien, ce soir c'est moi qui rince. Si tu danses à la cartonne, danse à la cartonne, danse à la cartonne, danse à la cartonne. Planet Rap, Jeffrey, revenu des classes. Planet Rap. Les jours où je me plains, les jours où je ne vois que moi, mon nez est pas plus loin. Pardon pour toutes ces fois où j'ai grossi mes problèmes, pour toutes ces fois où j'ai fait tourner le monde sur moi-même. Ferme tes yeux juste une seconde. Soprambaba dans Planète Rap. J'aurais aimé voyager à travers le temps. Yeah. Yeah. Yeah. Si j'avais eu le pouvoir de Hiro Nakamura, j'aurais été au combat de Mohamed Ali à Kinshasa. Puis j'aurais été fêter l'indépendance de mes Comores dans les bras de mon grand-père avant sa mort. Toute la jeunesse de France, on le fait. Pour mes frangins enfermés, on le fait. Pour mes amis sur MySpace, on le fait. La famille, j'ai compris. Petit medley, petit, hein, parce qu'il y a tellement d'autres morceaux et puis on n'a pas mis tous les psychiatres non plus. C'est, Ah ouais, tu en as mis, putain. Il y en a quelques-uns quand même. Comment tu juges, toi, justement, jusqu'à la sortie de ce quatrième album solo? Ça va, Sopra, t'es bien? Ouais, ça va. T'es heureux de cette carrière? Ouais, j'ai de la chance quand même. Je fais partie de la génération qui a. J'ai traversé 2-3 générations. Mmh. On est toujours là. Alors, je voyais des gens qui réagissaient sur moi, j'ai pas. Alors, c'est un vieux morceau, mmh. Ça fait plaisir, tu vois. Et voilà, on continue sur le même chemin que j'ai toujours eu. Essayer d'être moi-même au maximum, faire des morceaux sans calculer. Voilà. Bon, je pense que vous n'allez pas être déçus par cet album. Hein. Franchement, c'est un bel album celui-ci. Hein. Merci. On va en parler toute la semaine, on va le découvrir. On va saluer, je disais, Mej qui est aux platines, évidemment. Tu veux saluer un petit peu qui est avec toi, Sopra? Ben voilà, il y a DJ Mej avec bon, mon bras droit, avec qui on réalise mon album. Cul et chemise, voilà. Comment on dit, comment dire, Marseille, cul et chemise. Exactement. Voilà, et Zach aussi qui est avec moi tout le temps au studio. Tu le vois comme ça, mais c'est le petit diablotin. Voilà, t'as tout compris. Ça va, Frédéric? Ça vous fait rire Ne pas chercher Zach. Est-ce qu'on peut évacuer la salle en fait? Si, c'est fini, rentre à la maison, c'est fini, hop, c'est fini. Ne les embête pas, s'il te plaît. Attends, n'en rentrez pas parce que tout à l'heure, il y a un gros live de prévu d'ailleurs avec Mej que vous avez concocté pour ce Planète Rap pour bien débuter la semaine. Ce sera tout à l'heure dans l'émission. Yes. Pour tous ceux qui vont se rappeler aussi, on va mettre peut-être un morceau. Dans un instant, on fera un vrai ou faux. Tout ce qu'on a vu sur le net sur toi ces derniers temps, tu diras si c'est vrai ou faux. Vas-y, on va voir. Hein. Bon, moi, il n'y a pas beaucoup de ragots sur moi. Ah, méfie-toi. J'ai quelques dossiers qui sont prêts à sortir dans un. Oh merde. Les messages, je vous les envoyer avec le hashtag Soprano sur Skyrock. S'il y a des gens aussi qui veulent poser des questions à Sopra, est-ce qu'il y en a ici dans la salle? Ah oui, il y en a quelques-uns. Donc dans un instant, je viendrai vers vous aussi. On met juste avant, qu'est-ce qu'on met? On met le Fresh Prince. Qu'est-ce qu'on met? Ils nous connaissent pas. Qu'est-ce que tu as envie de balancer? On va mettre les deux dans la soirée. Donc on va mettre Ils nous connaissent pas en premier pour en parler. Parce qu'à la base, Ils nous connaissent pas. À la base, c'est un morceau que j'ai écrit et fait. Je l'ai même enregistré pour la Colombe. Ah oui, il était prévu dans la Colombe. Mais pareil, même instru, même paroles. Les gens, ce qu'ils entendent là, c'est le morceau qui était prévu. Et pour alors pourquoi il était pas sur la Colombe, celui-ci? Je trouvais qu'il était trop, c'était trop tôt de sortir un morceau de ce style. Là, on est dans les temps. Voilà. C'est le premier extrait que t'as balancé. C'était pour ramener petit à petit. Vu que l'album, il a vraiment plein de styles différents. C'est, on va dire, le morceau qui est un peu qui ressemble un peu à Regarde-moi, un truc comme ça. Et après, il y a plein. Donc, une transition vers cet album. Voilà, tout ce qu'on. Ils nous connaissent pas. Vous aimez Ils nous connaissent pas déjà ou pas? Alors, je vais voir tout le monde chanter ce morceau. C'est parti maintenant, Ils nous connaissent pas. Extrait de l'album qui sera dans les bacs lundi prochain, le 13 octobre. Yeah, yeah, yeah! La casquette à l'envers, de l'angage elle est aussi. Le regard de travers, la politesse est aussi. Ne les vis pas des fesses, la casquette à ras du cou. Ça ne parle qu'en SMS, la grammaire on ne connaît plus. Alcoolique à 13 ans, même le shit ne fait plus rien. Aller-retour en prison, les barons ne font plus rien. Les parents divorcés, comme pour tous mes collègues. Sans savoir pour oublier, et comme pour tous mes collègues. Trop de factures à payer. Maman pleure au parloir. Petit frère à replonger. Mon grand frère joint aux lèvres. Me dit d'arrêter de fumer. Et ma soeur l'a diplômée. La forêt en surgelée. Ma conseillère d'orientation. M'orient en BEP. Elle me verrait bien maçon. Ou agent de sécurité. Moi je sais pas ce que je veux faire. Pourquoi faire un tafonnet? Au quartier ils sont millionnaires. En vendant des savonnets. Je veux la dernière paire de Nike. Rouler en BMW. Que toutes les filles me avec tous mes collègues, oui, je vois pour oublier, et comme pour tous mes collègues. pas où je vais, je ne sais pas d'où je viens. Je parle à la lune en tirant sur un joint. Mais dis-moi qui me connaît vraiment. Les Sopranos, notre invité toute la semaine, en public, à l'initiative en plus de Sopra, c'est marrant. Hein. Oh c'est ce que tu me disais quand tu m'as dit ouais, j'aimerais bien faire le live tous les soirs de la semaine. Ça m'a rappelé aussi une époque, on avait fait le Planète Rap, il n'y en a eu qu'un seul. Hein. Là, c'est vrai que c'est assez exceptionnel parce que c'est toute une semaine. On avait fait ça à Marseille pour le lancement de Freeman et Karim Leroy. C'était sur le Vieux-Port. On était dans les quartiers nord, on est tous descendus, on a dit non, comment Planète Rap en plein milieu du Vieux-Port, non, il faut qu'on vive ça. C'était un moment incroyable, ouais. Ouais, c'était un truc. C'était pour le Palais de Justice, je me souviens de la sortie de cet album de Freeman et Karim Leroy. Et là, vous êtes là, ça fait plaisir. Et alors, on a réussi à débloquer parce que c'est plein tous les soirs, ça a été plein en l'espace de 24 heures pour, dès qu'on a dit perdu mon pari, ouais. Tu as perdu ton pari parce que tu avais dit, oh, mais les gens viendront pas me voir. Non, je me suis dit, non. Si, il a dit ça. Je me suis dit, je croyais qu'il allait en avoir moins. Je croyais que tout, les gens allaient venir plus, peut-être jeudi, vendredi et tout. Et en 24 heures, on m'a dit ça, je fais waouh. C'est blindé tous les soirs, mais on a réussi à débloquer une dizaine de places par soir. Okay. C'est-à-dire que si vous voulez des places pour demain, après-demain, jusqu'à vendredi, vous envoyez tout de suite un mail. Alors après, ce sera les premiers. Hein. Je peux pas garantir, mais les premiers, vous pourrez venir aussi nous rejoindre ici en live. Vous envoyez à l'adresse planeterap@skyrock.com pour participer à l'émission et venir. Il y a encore une dizaine de places par soir. C'est tout ce qu'on a pu faire. Ça va, nickel. Hein. Ça va. Bon, en tout cas, vous êtes là, vous êtes bien, tout se passe bien. Ils sont tous là, ils ont le sourire, ils sont cool. Du live dans quelques minutes. Il y a aussi toute cette semaine, tiens, je te l'offre déjà, le jeu Drive Club qu'on va filer à tous les freestylers par téléphone. Et s'il y en a qui veulent freestyler aussi, dites-nous. Hein. Ce soir, ça va être compliqué, mais dans la semaine. Il faut l'organiser, c'est ça. On va organiser ça pour dans la semaine. Mais vous repartez avec le. Ah, c'est toi qui l'ambiançais déjà, Zach. Ah, ça y est, il a pris. Le Drive Club, le tout jeu. Tout ce qui vient chez moi va chez lui. Voilà. Il n'a pas le temps de jouer à la play. Il y a l'album qui sort le 13 octobre. Regarde, on a installé, tu peux même jouer. Il y a pas de manette. Voilà. En tout cas, pour tous les freestylers cette semaine, Drive Club pour vous, le jeu sur PS4. Ouais, il te raquette direct. Nous allons faire un petit jeu, Sopra, si tu veux bien maintenant. Vas-y. Petit jeu du vrai ou faux, tout ce qu'on voit sur le net. Alors il y a un peu de tout, hein. Il y a tout et n'importe quoi. Tu consultes d'ailleurs beaucoup, toi, le net, les réseaux sociaux, tout Instagram, ça que tu utilises. Instagram, c'est je kiffe Instagram. Twitter, il y a trop de monde. J'arrive pas. Il y a beaucoup de monde. C'est beaucoup mon pote qui le gère, mais tout ce qui va sur Instagram va c'est sur toi. Twitter. Voilà. Alors vu sur le net, vrai ou faux, Sopra, ouais. Il paraît que t'as déjà prévu la sortie du prochain album en 2015 qui devrait s'appeler L'Everest. C'est vrai. C'est vrai? Ouais, j'ai fait 6 morceaux déjà. Ah. Le mec perd pas de. Ouais, on a fait. Et tu vas nous le faire maintenant en live. Ah putain. Tranquille. C'est pas là, si je l'ai donc, fait là. Et l'Everest, ça va s'appeler. Ouais, ça va s'appeler l'Everest. Ok, bon, déjà, première info, vrai. On verra pourquoi. Deuxième info, il paraît que tu as acheté le maillot de l'équipe de foot de Suède, Floqué Zlatan. Attendez. Non, attention. Attendez. Essaye de mettre de la merde. Quoi? Moi, je précise. Alors. Je précise. Alors. J'ai pas besoin d'expliquer que comment ça peut être. Mon club, c'est bien sûr, c'est celui de Marseille. Il y a pas de problème. Que mais. Ici, c'est Paris. Oh, ici, c'est Paris. Ne me mets pas des problèmes. J'ai des amis qui sont là, qui sont pas, ils sont mal à l'aise depuis tout à l'heure. Les regards lancés. Attends. Non, ce que j'ai dit, ce que je dis, pour l'instant, tout va bien pour nous. Oui, c'est vrai. Voilà, tout va bien. Mais nous, on est vraiment fair play. On n'en parle pas. Voilà, on est cool. On est là, on déguste tranquille. Et c'est vrai que j'aurais aimé avoir le maillot de Suède. bien sûr, préciser, avec des gens comme Zlatan ou même celui de... Voilà. Donc c'est moitié vrai, moitié faux. Moitié vrai, moitié, moitié faux. Avant de s'appeler les Psychiatres, le groupe s'appelait les KDB. Ouais, c'est vrai. Petit retour en arrière, ça vous le saviez tous ? Ouais ! Qui voulait dire KDB ? Alors il a eu deux significations. Il a eu, en premier c'était Kylie Dice Boom, parce que je m'appelais Kylie. Et l'autre s'appelait c'est Dice. C'est ton premier blaze, ouais. Voilà, l'autre s'appelait Boom. Je dis l'autre parce que je ne veux pas les cramer, hein, c'est pour ça. Mais on les cramera quand ils viendront, voilà, peut-être, gens, s'ils viennent. Ah, on verra. Attends, il n'y a rien à faire, on verra. On ne sait pas. On leur demandera s'ils... Et passent. Après, ça s'appelait Kid Dog Black par rapport à Snoop Dogg qui était arrivé. On était bousillés par Snoop et voilà. Enfin, dernier vrai ou faux pour ce soir. Cosmopolitanie, tu le définis comme un album militant, voire politique, cet album, ce quatrième album solo. On va dire dans le fond peut-être, mais ouais. Dans le fond peut-être, mais c'est un album où j'ai voulu faire un concept. Chaque album, j'ai fait un concept. Le premier, puisqu'il faut vivre, c'était une thérapie. Le deuxième, j'ai fait le concept du côté colombe, côté corbeau. Et celui-là, c'est un concept où tous les morceaux sont des styles différents. J'ai tenté des styles différents pour justement montrer qu'on peut mélanger des styles, comme on mélange les couleurs, comme on peut mélanger des religions, comme on peut mélanger tout ça. C'est un peu le concept que j'ai depuis longtemps. Mais si je disais ça, je trouve que pour le coup, il y a quand même une portée politique, parce que d'appeler en ce moment un album Cosmopolitanie, ou alors tout le monde en ce moment doit se resserrer, doit se communautariser, ouais, etc. Ouais. Et quand tu vois les gens qui sont là d'ailleurs avec... Mais regarde. Il y a des rebeux, il y a des blacks, il y a des blancs, il y a de tout. Il y a même des maillots du PSG, des maillots de l'OM, il y a des maillots de... Il y a des filles, des garçons, il y a de tout. Il y a des gens beaucoup plus âgés, il y a des trucs. Il y a un peu de tout, tu vois, ça fait plaisir, tu vois. Il sera couvert de cadeaux, celui qui a le maillot du PSG, contrairement à celui qui a le maillot de l'OM au premier rang. Attendez, écoutez. Le mec, on est en train de dire, il vient de dire, ouais, l'album, oui, s'appelle Cosmopolitanie, réunit les gens. Et il faut c'est la le merde. Premier à diviser. Moi, le jeune qui est là, moi, je le respecte, il est venu. Mais moi aussi, je le respecte. Sécurité. Comme l'autre aussi, c'est pareil. Merci. Non, mais pour revenir sérieusement, ouais. Ouais, mais sûr. Je trouve que c'est vrai que de plus en plus, t'as un discours en ce moment qui devient insupportable. Si moi, tu ça veux. Me casse les pieds. Moi. Voilà, qui rend fou. Et de l'appeler, je trouve ça un petit peu osé parce que tout le monde va te dire oui, mais t'es dans une espèce de truc. La pensée dominante. Bah non, je trouve que justement, malheureusement, la pensée dominante, elle est en train de s'inverser en ce moment. Mais oui. Et a fait flipper d'ailleurs cette nouvelle pensée dominante. Je t'explique, le week-end dernier, on était à un mariage. On a fait le mariage dans la mairie FN de Marseille. Sympa. Mais le mariage, il était comorien-algérien. Donc tu as entendu des ouais ouais ouais, et je crois qu'ils ont pris peur. Ils ont pris peur. Mais ah oui, c'est vrai que c'est le nouveau maire sympa qui a été élu là-bas. Voilà, c'était un peu spécial. Mais il après... a dû rendre son écharpe. Alors s'il a entendu ça, le mec, il a dû flipper. Hein. Il n'était pas là, lui. Il a mis son adjoint. Je me demande pourquoi. Étonnant. Non, mais pour revenir sur le titre, ouais. Par exemple, ils nous connaissent pas. On l'a sorti par rapport à ça. C'était à l'époque où il y avait le Front National qui avait gagné. Par rapport aux élections européennes, moi dans ma tête, je me suis dit, mais putain, chez moi à Marseille, ils se calachent des jeunes de 19 ans, il y a des problèmes, des familles qu'ils n'arrivent même pas à mettre leurs enfants à l'école, ils ont des galères et tout ça, et eux, ils sont en train de parler d'identité nationale, s'occuper de problèmes de. Je trouve qu'il y a beaucoup plus d'urgent. Il y a plus d'urgent, ouais. Et après, il y a eu l'histoire à Gaza qui s'est passée là. Tout le monde mélangeait tout. Tout le monde mélangeait tout. Moi, sur mon Twitter, je voyais des trucs, des gens qui me disaient des trucs. J'ai dit, oh. Et c'est là qu'à un moment donné, on s'est dit, on va envoyer Cosmo. Parce que faut pas tout mélanger. Faut pas mélanger politique, religion. Faut pas mélanger les hommes. Et comme je donne toujours une anecdote, on était à New York, moi et Mej et moi, on était à New York. On arrive, on achète une paire de baskets. Il y a un mec, il a dit, hey, where you from? Ah, il a dit comme ça, hey, where you from? Avec l'accent que j'ai là, le même. Il a dit, hey, where you from? Et le mec, je lui dis, je viens de France. Non, tu l'as dit, I'm come from France. Non, là, je l'ai dit en comorien, je l'ai dit, hein? En comorien. Ah, oh, putain, c'était un truc de fou. Je lui dis, je viens de France. Il m'a regardé, il a fait ça. Sarkozy. Et il est parti. Sur le coup, je suis resté comme ça. J'ai dit, oh là là, dans leur tête. Ah oui. Et après, j'ai compris. Je me suis dit, faut jamais généraliser, faut jamais foutre le bordel. Après, moi, je suis à fond derrière tout ce qui s'est passé à Gaza. Moi, je trouve les enfants qui subissent des bombes, tout ça, c'est n'importe quoi. Mais il faut que nous aussi, on arrive à prendre une responsabilité recul, aussi. Parce que la haine, faut pas la mélanger. Et c'est pour ça qu'on a envoyé Cosmo. On a envoyé Cosmo parce que la musique, à la base, c'est fait pour réunir les gens. Et voilà, la politique ne nous divisera pas. Quand on est ensemble, regarde, les gens ils sont là par rapport à la musique. Tu vois, et pourtant, il n'y a pas d'histoire de religion ou de je sais pas quoi. Et moi, ça a été ma philosophie depuis le début. Ça le restera. Voilà. Et bien, ça continuera dans les bacs dès lundi. Cosmopolitanie à découvrir. Ça va toujours bien ici? Vous savez qu'on vous écoute dans la France entière. Dans la France entière, il y en a qui sont ce soir chez eux, qui sont dans la voiture, qui sont en train d'écouter, qui se disent qu'est-ce que j'aimerais y être? Mais qu'est-ce que j'aimerais y être? Donc faites un maximum de bruit, s'il vous plaît. On va revenir dans un instant. Sopra, notre invité toute la semaine sur Skyrock. Le hashtag, c'est Soprano sur Skyrock. On est déjà en TT, ça fait un véritable carton. Vous continuez, bougez pas, on revient dans quelques minutes. Les questions, elles sont là, les questions. Questions à Sopra dans un instant, et on balancera aussi le Fresh Prince. Yes. Est-ce que je pourrais danser à la Carlton? Putain, si tu fais ça devant eux, wallah, je te jure, on filme, on met ça sur Twitter, Instagram, direct. Bougez pas, après la pub. Comme toi, Soprano a choisi Planet Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. Et passez une bonne soirée, bienvenue tout le monde, ça va toujours? On est en public, ils sont chauds bouillants. Dans un instant, il y aura un live, un gros live avec Soprano, avec Mej, avec Zach qui sont là aussi avec nous ce soir entre 20 et 21. Si c'est pour dire des conneries, on coupe le micro tout de suite. Hein. Non, et on va aussi souhaiter un bon anniversaire à Ruben qui est là. Il est où Ruben? Voilà. Bon anniversaire. C'est son anniv, il est là, il est avec nous dans le public. Bon anniversaire, voilà un anniversaire particulier puisque t'es en live avec Sopra. L'album sort lundi prochain, Cosmopolitanie. En précommande, on peut aller cliquer tout de suite. Ouais, et il paraît qu'on a des morceaux en plus qui arrivent comme ça quand on clique. Ouais, demain. Demain, mais déjà on a. Ah merde, j'ai annoncé un truc avant, c'est ça? Non, je sais pas. Tu te démerdes là. Non, ouais, il y a Cosmo, ils nous connaissent pas. Fresh Prince, on a aussi Préface aussi. Donc si vous l'achetez maintenant, vous avez déjà tous ces morceaux. Voilà. Eh ben profitez, allez cliquer, Soprano, l'album lundi dans les bacs. Est-ce qu'il y avait des questions pour Sopra ici? Tiens, je vais descendre un petit peu, je vais aller voir. Hop! Et voir le public. Dans un instant, on aura aussi le freestyle par téléphone. Et vous m'entendez? Tout est bon? Alors, petite question. Jeune homme, c'est comment ton prénom? Loïc. Loïc, quelle est la question pour Sopra? Spielberg. Ouais. Donc, moi, je voulais savoir, en fait, s'il y avait une musique qui te touchait le plus, en fait, dans ce nouvel album Cosmopolitanique. Alors, si tu me parles de toucher, j'en ai deux précis. Il y a un morceau qui s'appelle Hello. Et bien sûr, Luna. Bien sûr. Ah. Voilà, la chanson sur ma fille. Voilà. Bien sûr. Yes. C'est bon? T'es satisfait? Sinon, t'es remboursé. Hein. Tu dis tout de suite. C'est comment ton prénom? Alexandre. Salut Alexandre. Ouais, j'avais une question. Quel featuring t'aimerais faire en rap français et en rap américain? Quel artiste avec qui t'aimerais collaborer en fait? Alors, en rap américain, moi je suis un gros fan de Drake. Drake, j'aime trop. J'écoute ça en boucle. J'écoute que ça même. En français, mais c'est facile ce que je vais répondre. Et en français, on les a tous fait pratiquement, j'ai envie de te dire aussi. Donc... Non, à l'heure actuelle, moi, je. Bon, c'était prévu, mais on n'a pas pu faire. J'ai fait de l'auto-promo. Ben, Alonso, voilà, pour moi, c'est le meilleur rappeur de rue. Alonso qui a sorti d'ailleurs la semaine dernière. Ouais, il a sorti. Il n'y a rien à faire. Un nouveau extrait de son album qui arrive. Voilà. Mais les gens, ils vont dire qu'il se fait de l'auto-promo. Ah oui, un peu. Ils se disent d'ailleurs, regarde les têtes, ils sont tous dépités. Voilà. Voilà. Non, j'aime bien Tito Prince, j'aime bien Sienna. Sienna, je sais pas s'il y a des gens qui connaissent, j'aime bien Youssoupha, bien sûr, il le sait que j'aime bien Youssoupha. DC's aussi, j'aime bien, voilà. Bon, il y a encore quelques albums à faire, quoi, en gros, ce que tu nous dis. Ouais, avant de passer au freestyle par téléphone, avant de passer au live dans Planet Rap, et avant de reprendre, alors, je sais pas si on aura le temps de faire encore d'autres questions, mais on essaiera d'en choper aussi d'ici quelques minutes. Mais le temps tourne, ça passe très vite cette émission. Et ouais. On va mettre un morceau. Ah ouais, mais va danser à la Carlton. Tu danses. Faut danser là. Si tu faut danses, danser. Voilà. Ah ouais, même pas. En même temps qu'il y a le morceau, on danse. Ah non, mais le problème, c'est que là, je vais tuer la carrière de plusieurs danseurs tellement je suis bon. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais c'est ça qui est bon, même. Fab à Paris, s'il te plaît, balance-nous Fresh Prince maintenant. Cet extrait de Cosmopolitanie. Debout. Ah ouais, frère. Et faites-moi péter le son ici, je suis chaud. Il est chaud, frère, il est chaud. Débarque dans le club accompagné de mes thugs. La classe de Brad Pitt, normal que ta femme bug. Je marche avec les vrais, ouais, je marche avec les bestes. Y'a qu'à l'époque de Chris Cross qu'on a tourné la veste. Le DJ met mon son dans la boîte, c'est le zbeul. Un mec me prend la tête, un mec veut se faire du buzz. Mec, si tu ne sais pas boire, ne t'approche pas de moi. Ma CQC, j'ai fait tout pour tailler ta gueule de bois. Bref, nous compare pas au reste. Ils sont devenus célèbres comme la femme de Kanye West. Chez nous, on fait des i depuis l'époque de la marelle. Oui, je sais, je vieillis pas, on m'appelle Sopra Farrell. Ils se prennent pour Barzell, Stringer Bell. Quand ils prennent le micro, j'entends Jingle Bells. Nous, on brille sans l'aide EDF. En boîte avec des lunettes à la Michel Polnareff. On rentre dans le club habillé comme des princes. Fraîche, fraîche, fraîche, en jean ou en pince. Mets-toi bien, ce soir c'est moi qui rince. Si tu danses à la cartonne, danse à la cartonne, danse à la cartonne, danse à la cartonne, danse à la cartonne. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Débarque dans le VIP, stylé comme Fresh Prince. Une arrivée royale comme Eddie Murphy dans le Queens. Convoité comme un Brinks, tous les yeux sur ma sap. Toi t'es sapé comme sur Arte, donc ton mal qu'elle te zappe. J'entends des mecs qui clap, clap, clap, clap, clap. Et des mecs qui prennent des clac, clac, clac, clac, clac. En voyant ma dernière snap, snap, snap, snap, back. Mesdames, je suis marié, pas de snap, snap, chat. Physio, ces mecs sont des mythos. J'ai plein de cousins depuis que j'approche le salaire de Eto. Il est trop tôt pour entrer au Hilton. Laisse-moi danser à la Carlton. On rentre dans le club habillé comme des princes. Fraîche, fraîche, fraîche, en jean ou en pince. Mets-toi bien, ce soir c'est moi qui rince. Si tu danses à la Carlton, danse à la Carlton, danse à la Carlton, danse à la Carlton, danse à la Carlton. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Hey Jeffrey, deux secondes, laisse passer mes gigoteurs. Belle chemise à la Biggie, une coupe qui sort de chez Fab Shop. Oui, les gigoteuses aiment les gigoteurs. La classe ne fait pas le boule, mais le boule fait la classe, mesdames. Jeffrey, mets-les tous en ligne. Et on danse à la Carlton. Danse à la Carlton. Danse à la Carlton, vas-y, danse à la Carlton. Jeffrey, danse à la Carlton. Il arrive toi aussi, danse à la Carlton. Ashley, danse à la Carlton. Will, danse à la Carlton. Hey hey, danse à la Carlton. On danse à la Carlton, à Cosmo Poditani. Épuisé déjà après cette petite danse à la Carlton. Merci, merci, merci. Attends, il faut préciser un truc pour ceux qui n'ont pas les images. Les images. Tant mieux d'ailleurs, écoutez plutôt à la radio. Est-ce qu'on peut brancher les micros de. Ouais, c'est bon, ça marche. C'est bon. Yes. C'était alors, grandiose. Hein. C'était grandiose, nous avons vécu un moment historique. Je pense que tout le monde a ça sur internet. Vous avez mis ça. Faut Instagrammer tout ça après. Je pense que les Twins peuvent trembler. Ah, mis gros les célèbres pression, danseurs de Beyoncé et Jay-Z, je crois qu'ils peuvent gros, trembler. Gros le, pression, le, game des danseurs, le pied là. Sur la chaise, pas mal, Frédéric. Ah, t'as vu ouais. Pas et mal. Et pas encore mal. Une alors, j'explique, Fred a dansé à la Carlton, mais bon, c'était sa Carlton à lui. Hein, ouais. Ah, oui. C'était Carlton, tard dans la nuit, Carlton. En fait. Voilà. Bon, on va prendre le freestyle par téléphone et juste après, est-ce que vous êtes prêts pour faire du bruit parce qu'il y a un live de Sopra qui se prépare. Ah ça, vous êtes endormi? On change de public, hein. Pas très grave, ça. Ne les chauffe pas, ils sont là, ils sont bien. J'aime bien, ils sont j'aime cool. Bien. Et je vous présente Segna par téléphone de Tours. Salut Segna. Salut, ça va? Ça va bien Segna, bienvenue dans le Planète Rap de Sopra. Merci bien. Tu viens rapper. Je te présente Sopra qui est là avec nous. Salut Segna. Bonjour à toute l'équipe. Yes. Tu es prêt à rapper devant une foule en délire, Segna? On va essayer, le stress il est là, mais on va essayer. Et bah, tu t'inquiète une 30... pas, tu vas casser la baraque, mon pote. Tu as une 30 pour tout déchirer, on t'écoute. Ok, et chez N.O. Mac, 38 ans pour plus 0 frère. Ok, 1. Le savoir est une arme qui disparaît peu à peu, supprimant des tonnes de règles dans la tête de le type. Hey. Ouf, vicieux, c'est le début de la fin. On se place, on fait pour de la merde, autant que tous meurent de faim. Ce monde va mal, mais t'en as rien à foutre. Ta fille modèle, je les ça pour une paire de. Hey. Suis-je le seul à voir ce qui se passe, à dire des grands sourires, des grands discours, à des idées sales, lasses, bouge de la sale race, c'est tombé penser en paix. J'ai comme que dalle dans ma vie, sur tout ce que j'ai semé, la haine collée à mes semaines, comme un chewing-gum usagé, pied. J'en ira que je vais déporter comme un enfant rejeté. Ma pompe de plaie, j'en ai les mains en sang. Quand j'ai glissé quelques lignes, c'est pour arrondir les angles. Pense par toi-même si tu veux te faire ta place. Si c'est marche ou crêter la mi-sang, tu peux être à la tasse. Des larmes coulent sur mes joues quand je me sens impuissant. Face à la menace de l'homme envers ses opposants. On cherche toujours à être plus fort. Quelles qu'en soient les conséquences, le but est le nombre de morts. Dis-moi comment tu peux te voir dans la glace. Toujours le mec fric et perso pendant que tes frères prépassent. Si j'avais les moyens, bonhomme, je donnerais ma vie. Lourde et ma conscience quand une barre c'est à un sourire. Hey, dis-moi c'est quoi ce putain d'effet de mode. On se filme blessé des bêtes pour le plaisir et pour l'effet de buzz. J'appelle au secours mais personne me répond. Ça fait bien trop longtemps que la haine dans nos cœurs se répand. Si je dois me reprendre, c'est pour éviter le pire. Quand tu dévoiles tes vérités, tu glisses toujours dans le champ de tir. La gorge nouée, je termine mon couplet. Plus rien n'est à écrire, il est grand temps de s'unir pour avancer. Ok, SGN au mic. Eh voilà, Segna, bravo à toi. Segna, tu mérites largement le jeu. Acclamé par le public. Et le jeu Drive Club sur PS4 qui arrive à la maison. C'est un jeu qui sort là cette semaine, hein. Le jeu, si je dis pas de bêtises, c'est mercredi. M'a mis les frissons, frérot. Eh ben, il est pour toi, Drive Club. Et bravo, Segna, du côté de Tours. Merci beaucoup, je peux faire ma petite pub? Oui, on t'écoute, vas-y, balance. Merci beaucoup. Donc sur Facebook, vous tapez Segna, S-E-G-N-A, espace officiel, O-2-S-I-C-I-E-L. Ou sinon sur YouTube, vous pouvez me retrouver, vous tapez Segna, S-E-G-N-A, tout simplement. Eh ben ça roule, merci à toi Segna. Voilà, merci beaucoup, merci à Sopra, merci à toutes les villes. Bon courage mon poteau. Et on peut applaudir Segna une fois de plus. Je crois qu'il est déjà l'heure maintenant. Alors il y a une bonne et une mauvaise nouvelle, c'est bientôt la fin de l'émission. Ça passe vite, il y a 10 foules juste après. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un live maintenant de Sopra. Mais là, je veux voir tout le monde debout, s'il vous plaît. Faites-moi du bruit. Approchez-vous. Venez là, Sopra. On y go. Ah bah attends, mais j'ai été aux toilettes. Il arrive tranquillement. Est-ce que tu es prêt? C'est l'heure du live dans Planète Rap. 1, 2. Je compte sur vous pour faire un maximum de bruit et acclamer Sopra. L'album sort lundi, il est en précommande dès maintenant. L'album c'est Cosmopolitanie. Et le live c'est maintenant, les images sont sur Skyrock FM. Hashtag Soprano sur Skyrock. Est-ce que vous connaissez ou pas? Alors je peux vous entendre, on y va. Ma jeunesse passe des nuits à se tuer, à gratter des fesses sur MSN ou Mice. Et qu'à s'attirer pour enrichir Konami. Et qu'on sent plus d'air. Elle balade son stress en TN ou en Converse. Elle se balade dans la vie sans avoir de GPS. Elle perd son calme quand Zarko ouvre la boue. Tout ça pour sauver le monde de push up, une sac à peu rouge. Elle est guerre louche, pour nous le Gaoli. Elle rêve de vivre en Cosmopolitanie. Elle a le monde comme voisin de palier. Et ça s'entend de sa manière de parler. Oh, elle aime se saper, draguer, chambrer, taper, débarder, rire avec l'amitié. Elle gagne sa vie en nettoyant le matos. Et quand elle crie, on voit le mic à Marseille, on le fait. Pour les mecs en bas des blocs, on le fait. Pour les soeurs qui se réservent, on le fait. Je jure, cousin. Pour toute la jeunesse de Sky, on le fait. Pour les frangins enfermés, on le fait. Manu, pour les frangins enfermés, on le fait. Ta famille, j'ai compris. Si tu veux. Yeah, yeah. Est-ce que vous êtes là ou pas? Alors je peux voir tout le monde est en l'air. Tout le monde est en l'air. Tout le monde est en l'air. Tout le monde est en l'air. On y va. C'est mon life, la vie d'un. Oui, mon life, les soirées des chichas. Oh, mon life, c'est demain. Oui, mon life, tant pis si tu kiffes pas. Dans cette ouverte de show. Y'a les Comores de Maghreb, capitale du fou, du fun et des langues parraines. L'Italie dans la dégaine, des voitures de l'homme, parce que les vides pas nos week-ends. Du plantain ou jusqu'au panier, le langage fait peur à Ortefeuille, pleure en panique. Sur le chat des tas de Turquie, comme chaque club, tu peux croiser au moins trois familles même du le samedi. Les mamans font des you-you, une pensée pour ceux qui ne font que des noyaux. Yeah, OM sur le dos, ça danse comme le mien devant les parents. Je te présente mon manier. ce morceau. Un truc très simple. J'aurais aimé voyager. Deuxième fois. J'aurais aimé voyager. Yeah. Si j'avais eu le pouvoir de Hiro Nakamura, je serais parti revivre la naissance de Lenny et d'Inaya. J'aurais été à Sana. De la 310 de la Yémenia. J'aurais été voir mon grand-père une dernière fois, lui dire que je m'occupe de sa fille. Il s'inquiète pas. J'aurais été voir Martin Luther King après son discours, lui montrer la photo de. J'aurais été au temple d'Harlem, pousser Malcolm de la scène avant qu'une balle à terre. J'aurais été dans la cellule de Mandela pour lui dire tiens le coup, tes idées seront président du Sud-Africa. Amoureux de Lady Diana, j'aurais fait un gigantesque bouchon sur le fond de la mare. J'aurais été au Bahamas, pas pour les vacances. Pour vider la soupe, tout le monde prend l'air. Tout le monde prend l'air. J'aurais aimé voyager à travers le temps. Est-ce que vous êtes toujours là ou pas? J'aurais aimé voyager à travers le temps. Yeah, yeah. J'aurais aimé voyager à travers le temps. Est-ce que ça va toujours ou pas? Est-ce que vous êtes prêts? 1, 2, 3. Regarde-moi, je suis la grande en bas. Le chômage et la crise, mais c'est moi qui la combat. Je vis au quotidien ce que tu ne connais pas, que tu ne comprends pas, juste en bas de chez toi. Regarde-moi, ouais, regarde-moi, moi. Regarde-moi, ouais, regarde-moi, moi. À vous. Vous êtes toujours là ou pas? Je vais faire comme si on était en concert. Quel côté est plus chaud entre celui-là et celui-là? Est-ce que ce côté est beaucoup plus chaud? Est-ce que vous êtes prêts ou pas? Alors je vais entendre tout le monde faire le refrain avec moi. 1, 2, 1. Ils nous connaissent pas. meuf qui n'a plus le contrôle sur mon bill, c'est fini, il va vomiter. C'est trop boulot et dos, c'est la vie du ghetto. Veux-tu vraiment que je cesse de parler des pleureurs? Veux-tu vraiment que je cesse de parler des jeunes? Demain on est encore là, on va essayer de garder les cartouches du nouvel album tranquillement. Merci à tout le monde. Sopra en live. Cette émission toute la semaine, on sera en direct, en public, sur l'initiative de Sopra. Merci Sopra. Merci à vous tous d'avoir été là. Bravo. Merci à vous tous. Et bienvenue à ceux qui passeront avec nous demain, après-demain. Il reste quelques places, je le disais, une dizaine par jour. Allez faire un tour sur le Planet Rap, @skyrock.com pour laisser vos messages et venir tenter de venir ici nous rejoindre dans cette salle de concert. Merci Sopra. Ah, merci à eux. Cette première soirée. Premier soir, ils étaient déjà chaud bouillant. Bravo. Yeah. On essaie, pas de, vu, on essaie de me gratter ton album ici. Tout le monde me dit file-moi l'album, file-moi l'album. Eh non, malheureusement, je le garde. Il sort lundi prochain. Cosmopolitanie, oui. L'album. Il est en précommande, il est en précommande. Par contre, j'ai une petite surprise quand même. Oui. À fin de semaine, nous avons, je viens de regarder juste avant d'arriver, le clip de Fresh Prince qui arrive. Et. Je sens qu'on va rigoler. Et il y en a qui dansent à la Carlton dedans. Ah, mieux que toi déjà. C'est vrai? Ah oui, il y a pas des possible. Gens. Il y a surtout un. Franchement, il a un niveau de fou. Pas possible. Je pense que tu vas devoir refaire ton clip après ce que j'ai donné ce soir. Je pense que c'est. Il va falloir que tu redonnes ça. Merci. On a un deuxième cadeau. Ah, maintenant? On a un deuxième cadeau, mais ça c'est pour demain. Juste, je l'annonce. Ah bah oui, ils seront pas là, mais vous écouterez la radio, c'est oui. Bien aussi. Mais vous savez même pas c'est quoi? Bande de râleurs. En fait, à partir de ce soir, minuit, je crois, ben, il y a un autre style de l'album qui arrive. Un autre style, on va dire un peu à la Stromae, ça veut dire vraiment dingue, qui arrive et qui s'appelle Clown. Qui arrive à partir de ce soir, demain, ce encore soir. Un autre style de l'album. Donc en précommandant l'album, peut-être qu'on aura Clown tout de suite. Ouais. À minuit, voilà. À minuit, donc allez cliquer. Merci à vous tous en tout cas d'avoir été là. Merci. À tous ceux qui ont suivi. Merci à tout le monde. À la radio, sur le net, un peu partout. Merci à Zach, merci à Mesh qui était au platine. Merci à toi, Frédéric. Magnifique. Merci. Attends, je suis obligé, sinon on va me tuer. Alors, vas-y. Alors, une grosse dédicace. Voilà, monsieur, partout pour tous les enfermés. Manu, Ahmed, Sambé, Fabien, Enjoy Sushi, tu le sais. Tahar, voilà. Il y a Papou, tu le sais, Papou. T'attends à la maison, mon frère. Voilà, une grosse dédicace à tout Marseille, à tous ceux qui nous soutiennent depuis tellement d'années. Et voilà. Et voilà, on est là demain. Et ben demain on sera là. Et là nous allons nous connecter maintenant avec D-Fool. Eh oui. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour D-Fool, s'il vous plaît? Salut le public. Ouais. Eh, ambiance hein, ce ambiance soir. Ambiance totale. Bien bien son ambiance scandale, danse des vandales. Ils sont tous là. Ils sont tous là. Un petit art de rue en speed comme ça. Non, ils sont tous cool, ils sont là, mais tu sais pas, voilà la force qu'ils ont. Ils sont devant là avec l'ambiance qu'ils ont. On passe un super moment, on n'a pas envie d'arrêter en fait. On a écouté ça depuis 20h, non plus, ils n'ont pas envie d'arrêter ce soir. Ouais, tu m'étonnes. Mais toute bonne chose à une fin. Ah, j'ai vu un mec au premier rang sur la vidéo, il avait le maillot de l'OM, il est bien. Ah, bah, Samy, j'ai vu repéré. En premier rang, en plein milieu. Il a repéré le garçon avec son maillot de l'OM. Ne me foutez pas des problèmes, s'il vous plaît. Ne me foutez pas des problèmes. Et Samy, il y en a un autre, il a le maillot du PSG. Ah, on le voit pas lui. On le voit pas. C'est bizarre, on le voit pas. Non, il s'est fait sortir. Déjà. Ah non, aucun problème avec lui. Aucun problème. Il y a la sécu de Sopra qui passait. Le mec est en train de se faire sa manœuvre. Non. Ça commence à dire des conneries. Eh, ne me créez pas des problèmes. On arrive. Mais merci Gignac, au fait. Mais Gignac, si tu es dans ta voiture qui écoute Skyrock, merci Gignac. La famille. Mais, Gignac. Il est pas au McDo à ce moment-là? Si. Non, la blague de merde. En ce moment, il est en train de faire des abdos, gros. Il est en train de faire des pompes, il est en train de courir. Les abdos McDo, ouais, c'est ça. Il est affûté, génial. En tout cas, merci beaucoup pour l'accueil. On se retrouve demain. Demain, hein, ouais. À demain, ouais. Juste avant 20h, voilà. Ça démarre. C'est Planet Rap tous les soirs et en direct et en live. Il y a Lenny Luna, si vous écoutez. Vous aurez peut-être la chance d'y être demain. En tout cas, vous y serez si vous écoutez la radio avec nous tous les soirs sur Skyrock. Nouvel album de Sopra, semaine prochaine. Cosmopolitanie. Yes, Cosmopolitanie. Et à découvrir tout au long de la semaine avec des lives en direct. Ça va être la folie. Et un public déchaîné. Eh oui. Merci le public déchaîné. Et nous, une équipe déchaînée. Ouais. Hey, Romano. Ouais. J'ai pas vu ton clip encore. Ah ben, faut l'aider. Ah non, t'es bien le seul à parler, mais je n'ai pas le nombre de vues que j'ai fait, quoi. Vous voulez pas que Romano vienne faire un live d'ici la fin de la semaine? Jamais. Je m'en fous. Non, attends. Je m'en fous, je vais venir squatter. Non. J'ai une idée. Sur Fresh Prince, on enlève la voix de Oncle Phil. Et c'est toi qui. Parce que lui, il dit gigote. Mais là, tu viens, tu fais gigoter si tu veux. Ouais, pas mal. Ah, pas mal. Pas mal. Mais ne dis pas, s'il te plaît, il y a des enfants qui m'écoutent, ne dis pas de conneries. Non, pas pour le moment, pas encore. Dans 2 minutes, c'est parti. C'est ça. Merci Sopra, merci au public, merci Fredo, merci à vous tous. Et là, c'est parti pour la Radio Libre dans moins d'une minute trente. On est là. Le retour de la Radio Libre ce lundi avec Iggy Azalea pour démarrer. Et Soprano, le retour demain. Ciao Fredo, salut. Ciao.